passe tout son camp. Quand Bazooka lance ses roquettes, pas un char d'assaut ne m'arrête. Alors écoute et redoute les obus de mon vie. Y'a pas de faux MC, les héros de la plèbe sont devenus mes groupies. Seul survivant sur le champ de bataille, ma sentence, il n'y a que le Mikey Mike. Mon flow ensevelit les évangiles, j'balance mes rimes comme des missiles. J'fais de la poésie avec un bazooka, au bac français sur 20 j'ai eu 23. Je suis fatal, l'office du mal, fils d'une hyène enragée et d'un chacal. J'mets toute l'espèce en péril, petit mon bac à sable c'était un chenil. Ah, aujourd'hui je mesure 7 mètres de haut. J'ai la carte du métro tatouée dans le dos. Au petit déjeuner, une dizaine de châteaux. Que je mange encore vivant, histoire de nourrir mon. Tellement d'embrouilles, j'ai trois cartes vitales. Une pour le bazook, deux pour le fatal. J'ai des fièvres, c'est Christine Bravo. Et Alpha qui sont allés chercher leurs os. Une armée de psychiatres pourrait pas me calmer. J'suis énervé, putain, j'suis énervé. Merde, monsieur calmant, c'est les lyrics en allemand. Uns dreisten Pyrrhechen vers 58 in 3 Deutschland. J'suis verbise-moi, même faille, j'en brûle les têtes à l'ALM. J'dépense des millions de dollars en avocat. Trop de procès, trop de guacamole, mon gars. Oh. Les murs de mes larmes enflamment mon pubis. Quand le bleu de mon âme fleurit à mes roses. Ta gueule, à genoux devant ma puissance. Respire le soir qui me lance de mon écoute. Égoutti, 9, à 2,40 en flaque sur la 9. Dans mon cul-sette comme un bœuf, à 3 dans le cul-sette de ta meuf. Je la fonce, un peu je la fracasse, un peu je la défonce. Et quand j'ai fini, je offre un bouquet de ronces. Les tasses de plus de 40 kilos, moi j'ai oh. Dans mon cou quand elle est A-E-I-O. Je fais des orgies avec les télétubbies. Après je les fous sur le trottoir et j'en fais un bise. Peu proc c'est net, même mes propres nets. Je bois de juge, j'avais le temps, je fais la fête. Moi je nettoie mes péchés au quartier. Et pour me frotter le dos, je demande à Lucifer. Les flammes de l'enfer brûlent dans ma cheminée. Pendant que je mets un nuage de lait dans le monde. C'est mon flow. Et je t'anéantis. Toi, est-ce que tu comprends? Espèce de sourire. De belle crème. Je tâche la tête pour te chier dans le cou. Monsieur, tu comprends? Non, justement, on comprend pas ce que vous dites. Oui, mais c'est parce qu'il faut retirer les feuilles qui ressortent ma voix. Ah, d'accord. Retirez. Comme ça? Voilà. Là, vous me comprenez? Oui, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je suis trop puissant.